But now you're leaving. You've gone back to Montreal. How did you do it? How'd you get me? Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blog.saint-élie.com. You were here just long enough to carve your name on to my heart. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio, soit en les récupérant directement depuis l'interface web, soit en utilisant un logiciel qui reconnaît le format podcast. Toutes les notes audio sont accompagnées par une note écrite dans laquelle vous trouverez les liens en relation avec ce que je raconte dans le fichier audio. Carve your name out to my heart. But where are you now that I'm bleeding? Now that I am falling apart. La note d'aujourd'hui est un petit peu particulière. D'ordinaire, je fais dans le futile, le facultatif, le ludique, le sans grande importance. La note d'aujourd'hui parle d'un sujet un petit peu plus grave. Donc, si vous cherchiez uniquement du futile, du facultatif et du sans importance, arrêtez tout de suite. Je suis désolé de vous avoir imposé le téléchargement de ce fichier, mais de toute façon, si vous l'avez fait, c'est probablement que vous avez la DSL, et alors c'est sans doute pas dramatique. Ambiance musicale, aujourd'hui, on va se la jouer canadienne. Si vous pensiez que Canada égale Céline Dion, vous allez sans doute rapidement changer d'avis. Actuellement, on écoute un groupe de Winnipeg qui s'appelle les Perpetrators. Et ensuite, on passera à un autre groupe de Toronto qui s'appelle Green Beats. But we all refuse to slow down, and maybe it's the fact that we all have taste in this cut and paste world. We never hit the ground. Yeah. Time is spinning like a CD and skimming like a Cheap Trick records. You got me dying like an 8-track that you bought way back from the Radio Shack. Said, oh, cool, cool, cool, in my wife. Le sujet de cette note, c'est l'incroyable, l'énorme, au sens quantitatif, mouvement d'émotion qu'a suscité le tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est. Ça a commencé un petit peu par hasard. La semaine dernière, j'étais en train de faire une recherche sur Google et je me suis aperçu que le nombre de sites incitant à donner pour ces gens-là était tout à fait spectaculaire. Tellement spectaculaire que la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est: est-ce que la version 2005 de la générosité, ça serait pas plutôt d'inciter le voisin à être généreux? Je reconnais que la question est un petit peu perverse, mais en voyant le nombre de sites incitant tout le monde à faire preuve de générosité, je me la suis posée. Et la deuxième question, et ce qu'il y a dans cette note, c'est surtout des questions que je me suis posées, les réponses je ne les ai pas, c'est ce qu'il faut penser de ce côté un peu sirupeux, cette compassion absolument totale pour des gens dont jusqu'à maintenant on s'est toujours foutu complètement. L'Indonésie, par exemple, qui a été un des pays les plus touchés, Je pense qu'à peu près personne ne savait où ça se trouvait avant le tsunami, et le seul moment où on s'en occupait, c'était au moment d'aller chez Nouvelle Frontière pour demander le prix du billet d'avion. Alors comme j'avais commencé avec cette histoire de site incitant à la générosité, j'ai gratté un petit peu, et ce que j'ai trouvé est assez abominable. Commencer par un passage tiré d'un document de l'OCDE. L'OCDE peut difficilement être catalogué au rang des organisations d'extrême gauche. Ce document, pour le trouver si vous intéresse, un document économique dont le lien figure dans la note écrite qui accompagne ce fichier audio. C'est un doc au format PDF. Et le passage que je vais vous lire décrit le seuil de pauvreté et ses conséquences. Pour qu'un enfant grandisse normalement, il doit recevoir une nourriture équilibrée et être soigné en cas de maladie. À partir de l'âge de 8-12 mois, il a besoin de lipides et surtout de protides car celles-ci sont indispensables pour la réaction immunitaire de l'organisme contre toute infection. Faute de protides, l'enfant est plus facilement infecté et l'infection dure plus longtemps. Or, tant qu'il est malade, l'enfant ne grandit pas et ne prend pas de poids. Ensuite, il ne peut pas rattraper ce retard de croissance même s'il n'est plus malade. D'autre part, dans tous les pays, même développés, les pathologies infantiles sont fréquentes et en cas de maladie non soignée, l'infection dure, ce qui entraîne de même un retard de croissance. Plus les familles sont pauvres, plus les facteurs responsables de ces pathologies sont nombreux. Sol en terre battue, absence d'eau potable, de réfrigérateur, etc. C'est là où ça devient intéressant. Tout laisse penser que les familles classées en dessous du seuil de pauvreté absolue n'ont pas les moyens d'assurer une alimentation équilibrée, qui est plus coûteuse, des conditions correctes d'habitat, d'hygiène, ni de payer les soins et les médicaments. Bon, vous allez me dire que ça, on s'en doutait un petit peu et qu'il n'y avait pas forcément besoin que l'OCDE fasse une longue étude pour s'apercevoir de ça. Mais c'est bien, au moins comme ça, c'est officiel, c'est une déclaration nette, claire et précise. Maintenant, si on se penche sur la situation de l'Indonésie, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon optimiste, qui figure sur un rapport du Sénat français, là aussi vous trouverez le lien vers ce rapport dans la note écrite, qui reprend le discours du gouvernement indonésien et du FMI, qui expliquait que, en 1997, 11% de la population du pays vivait en dessous du seuil de pauvreté. Ces 11% sont une vision un peu optimiste, parce qu'à la même époque, une dépêche de Reuters parlait de 48%. Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé un document des Nations Unies qui décrit de façon extrêmement froide et technique, on parle même pas de la situation ni politique ni militaire de l'Indonésie, qui sont des critères pas tout à fait anodins, donc un document froid et technique sur la situation de l'Indonésie à la même époque. Je vous livre le passage le plus savoureux. Les prix des produits de base, alimentaires et autres, ont fortement augmenté dans un contexte de chômage croissant, entraînant l'érosion du pouvoir d'achat d'importants groupes de population. Depuis le début des problèmes économiques et climatiques, en 1997, on estime que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a fortement augmenté par rapport au chiffre de 22,5 millions enregistrés en 1996, et la situation risque de s'aggraver si le chômage continue, comme on le craint, à augmenter. D'après les projections officielles, près de la moitié de la population du pays pourrait tomber en dessous du seuil de pauvreté d'ici fin 1998. Particulièrement préoccupante est l'insécurité alimentaire aiguë qui menace des groupes de population de plus en plus nombreux. Donc comme on le voit, la situation de l'Indonésie est absolument épouvantable, tsunami ou pas, et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, avec, c'est un peu de l'humour acide, mais ça doit pas être très très loin de la réalité, que tout compte fait, ces 200 000 morts, c'est peut-être une des choses les plus légères qui leur soit arrivée depuis longtemps. C'est pour ça que ça questionne cette espèce d'emphase mielleuse pour aller les sauver. On s'en est toujours foutu, mais on s'en est tellement foutu que ça a parfois des conséquences totalement ridicules, comme un papier que j'ai retrouvé du Nouvel Obs, qui remonte de pas très vieux, c'était du mois dernier, il est en ligne, le lien lui aussi figure dans la note écrite qui accompagne ce fichier, et qui titre « 200 000 personnes manquent de nourriture en Indonésie ». Petit flashback, on vient de voir qu'il y avait plus de 22 millions et demi d'Indonésiens vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'en version non officielle, crevant de faim. Et pour que le Nouvel Obs s'aperçoive qu'il y en avait au moins 200 000 qui avaient des problèmes, il leur a fallu un communiqué du Plan Alimentaire Mondial, ce communiqué portant exclusivement sur les conséquences directes de ce tsunami. Et les gens du Nouvel Obs n'ont même pas creusé la question, puisqu'en fait le papier c'est la reprise brute de fonderie d'une dépêche d'agence. Pour se remettre de nos émotions, on va se refaire un petit peu de musique, toujours avec les mêmes Canadiens. Et en attendant que je reprenne, regardez autour de vous si jamais vous avez des Kleenex, parce qu'ensuite on va se faire un de ces petits moments d'émotion comme probablement vous n'en avez jamais eu. Et si jamais vous avez des Kleenex sous la main, sortez-les. Vous allez en avoir hyper besoin. Tout à l'heure. So very systematic, it's so hard to keep my cool and I'm feeling so erratic. But all my friends, I depend on you being open-minded, and as long as your intentions are good, I'll oblige it. Living in the market, man, well, they told me all I know. I respect and where you are and the cheapest place to go. And grab a drink with the gang where we all get up and sing. Well, I feel so alive from all the good times you bring. I say, I feel so alive. So let me show you a good time. I say, I feel so alive. But first, let me finish my rhyme. Now, people, a gift, yes, a gift to you, a sound. Now, I wanna tear the roof off every place around. Well, the sound is new and old, man, it ain't just one thing. And just like George Benson and Johnny Winter, I'll sing with the strings. Listen, now, now, now. Just can't find your fun, and you've been stuck inside for so long that you're missing the sun. Open your arms to something that is new and exciting, where the people are just nice and they're always inviting. Oh, people to the party, the party to the people. Don't think so much, man, like stupid, keep it simple, yeah. I don't need anywhere else, cause all of my friends are here. Yeah, I wanna tell you how I'm feeling, and I'll make it clear now. I say, I feel so alive, so let me show you. Sure. vous avais promis une séquence émotion. C'est l'heure de la séquence émotion. Donc j'espère que vous avez bien trouvé les Kleenex que je vous avais recommandé de prendre tout à l'heure. Parce que moi, ça m'était un petit peu difficile. Au moment quand j'ai lu ça, ça m'a étreint. C'est un truc, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Cette séquence émotion, je l'ai eu en lisant Le Monde. Le Monde, ça fait chic, c'est le quotidien de référence. Donc c'est un papier qui est en ligne. Vous trouverez le lien sur la note écrite et qui est paru le 23. C'est tout récent, ça, hein, le 23. Hein, donc c'est pas un vieux monde, le 23 janvier. Le papier est titré « Le drame », donc sous-entendu ce tsunami, a provoqué un afflux massif de dons aux associations caritatives françaises via Internet. Donc ça reprend l'élan de générosité sans précédent, cette subite motivation pour aller sauver les petits Asiatiques. Et dans le papier, il y a un paragraphe qui, je l'ai sous les yeux, là, qui doit faire la moitié de l'article, qui est « Mobilisation des entreprises », et dans lequel il expliquait que la mobilisation touche toutes les entreprises, et de citer tout le monde. Magnifique publicité, Total. Ah, Total, oui, tiens, ils ont donné un peu de pognon, Total. Ah oui, il y a une petite un petit truc perso qu'il faut que je vous raconte, c'est que moi j'ai un drame personnel depuis que je suis tout petit. Ce drame personnel, c'est que je suis nul en calcul. Vous savez ce qu'on fait quand on est nul en calcul? Je vais vous le dire, peut-être c'est votre cas, c'est-à-dire, vous le savez peut-être, quand on est nul en calcul, on prend une calculette. Tout con, mais ça marche très bien. Petite parenthèse, les chiffres que je vais citer sont des chiffres publics, rien de secret là-dedans, et vous trouverez les liens vers les différentes sources dans la note écrite qui accompagne ce fichier audio. Total, donc, qui est extrêmement mobilisé. La terminologie exacte tirée du communiqué de presse de Total expliquant tout ce qu'ils vont faire pour le tsunami, c'est Total et ses filiales qui se sont mobilisés afin de manifester leur profonde émotion et leur solidarité auprès des familles éprouvées. Enfin bon, vous voyez, moi-même, ça, quand je lis ça, ça me serre la gorge. Alors j'ai regardé, Total, ils vont faire, selon leur présidence, une interview qu'il a donnée à l'hebdomadaire Le Point, une interview toute récente, et là encore, vous avez le lien sur la note écrite, 9,8 milliards de dollars, ce qui fait, hop, petit coup de calculette, 7,55 milliards d'euros. On va imaginer que Total travaille 365 jours par an, ce qui doit être à peu près vrai, puisque tous les jours que Dieu fait, il y a quelque part une station-service d'ouverte, un pétrolier qui dégaze ou une usine qui pète. Ça nous fait donc 7,55 milliards d'euros divisé par 365, 20 712 259,73 euros de bénéfices par jour. Hop, on redivise pour savoir par heure, donc en divisant ça par 24, 863 010,82 euros par heure. Total, dans le cadre de sa mobilisation afin de manifester sa profonde émotion et sa solidarité aux familles éprouvées, a filé 2,3 millions d'euros, ce qui représente 2h30 de son bénéfice annuel. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, j'aimerais que nous observions une petite minute de silence en hommage aux actionnaires de Total qui vont se contenter cette année de 364 jours et 22 heures de bénéfices annuels seulement. Il y a quand même des gens qui n'hésitent pas. Hein. Parmi les autres entreprises citées, il y a BNP Paribas. Ouais, on a tendance à dire, oui, les banques, machin, pognon, bidule, va pas du tout. BNP Paribas, je cite, s'engage fortement dans l'aide aux victimes du tsunami. Là aussi, communiqué de presse, repris un peu par tout le monde. Et BNP Paribas, qui regarde pas quand il faut donner, ils balancent, ils ont filé 600 000 euros à la Croix-Rouge. Alors j'ai regardé, c'est sur leur site, c'est pas un chiffre secret, BNP Paribas, pour la partie banque de détail, qui est une partie de leurs activités, ils vont faire 4 milliards d'euros de bénéfices par an. Hop, on ressort la calculette, on divise par 365, ça nous fait 10 958 904 euros de bénéfices par jour, on redivise par 24, ça nous fait 456 621 euros de bénéfices par heure. Et ils en ont filé 600 000 à la Croix-Rouge, ça veut dire que BNP Paribas a dû donner quelque chose comme 1h20 de son bénéfice annuel dans le cadre de son engagement fort dans l'aide aux victimes du tsunami. Et re-minute de silence pour les actionnaires de Paribas qui vont devoir se contenter de 300... Oh là non, je vous à peine le dire, c'est... Oh moi, ça me fait quelque chose, ça. Bon, allez, un petit peu de zik, hein, il vaut mieux, hein, parce qu'après, on va s'énerver. Allez, ciao.